cet hiver, prenez de la hauteur au cœur du Parc National des Écrins. Vivez des aventures insolites, traversez nos grands espaces nordiques en ski ou chien de traîneau, découvrez nos univers féeriques de glace et vibrez sous nos glaciers vertigineux. Plus d'infos, paysdesecrins.com. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les entreprises après le Covid, une série de Rémi Dibowski-Douat réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce premier confinement qui nous a plongé dans un moment inédit et a mis nos vies à l'arrêt, avant de nous obliger à inventer de nouvelles manières de travailler de chez soi. Alors pour commencer, les personnages. Un homme qui a créé un lieu, une salariée qui a écrit, une syndicaliste qui détricote, une psychologue qui prévient, un chef d'entreprise qui s'adapte, un prof qui se détache et une consultante qui ne pouvait plus se lever. Ensuite, le décor. Le distanciel, des outils, la désorganisation, le cadre, un cheval de Troie, le contrôle, des burn-out, le relationnel, l'informel, le collectif, un lac, un clocher, des réunions en pyjama, la solitude et le retour à la normale. Aujourd'hui, 3e épisode, ça grince. Les entreprises après la Covid. Télétravail, Eldorado du monde d'après. Là, en fait, on a un bureau, mais c'est que des indépendants. Là, on a un CTO, le CTO d'une start-up, c'est pas le responsable technique d'une start-up. On a un développeur informatique, en fait, qui est en freelance. On a un directeur artistique web. Et on a une jeune fille qui est spécialisée dans la stratégie, en fait, de communication et de positionnement des marques. Nous sommes à Brest, dans une belle bâtisse de la fin du 19e siècle. Une ancienne cidrerie. Aujourd'hui, c'est un tiers-lieu, un espace partagé par une cinquantaine d'entreprises. C'est aussi un lieu d'échange et de formation. Personne, évidemment, n'aurait pu miser sur le fait que le monde allait s'arrêter pendant 3 mois. Ce monsieur, c'est Julien Sevelec. Il dirige la grande maison et la pandémie a tout bouleversé. Nous, ce qu'on faisait chez The Corner, c'est qu'on accompagnait en fait des entreprises et des collaborateurs dans un environnement en présentiel, c'est-à-dire un tiers-lieu. Depuis maintenant le confinement, 80% en gros de notre chiffre d'affaires a été perdu, tout simplement parce que les collaborateurs ne venaient plus en fait dans les lieux, donc on ne pouvait plus les accompagner. Et nous, notre ADN, il est évidemment très digital, donc on a assez rapidement en fait pivoté, c'est-à-dire changé un peu de modèle pour pouvoir les accompagner à distance. Les codes changent, les méthodes restent les mêmes. Après, c'est les outils qui sont différents. Ici, comme dans toutes les entreprises qui produisent dans un secteur télétravaillable, le mois de mars 2020 a été synonyme d'un profond bouleversement. Les salariés des petites comme des grandes entreprises ont été soudainement obligés de travailler depuis leur domicile. Cette révolution, même temporaire, a eu un impact extraordinaire sur les individus et les équipes de nombreux secteurs. On aurait pu penser à plein de choses, mais pas au fait qu'à un moment donné, tout le monde allait être cloîtré chez soi et que finalement, les entreprises qui, elles, disaient « Bah non, en fait, le télétravail, c'est pas pour moi. Bah non, pour moi, c'est trop compliqué, on pourra pas mettre en place. Oui, mais nous, c'est pas la même chose. » Bah finalement, il n'y a juste pas eu le choix, donc il a fallu s'adapter. Donc évidemment, ça a un impact sur l'accélération de la transformation. Mais il ne s'agit pas juste, finalement, de se dire « ça a accéléré la transformation, et donc, en fait, le confinement, c'est le télétravail. » Parce que le confinement, c'est pas le télétravail. C'est le travail à distance d'un point de vue global, qu'on travaille chez soi ou qu'on travaille dans un tiers-lieu, c'est la même chose en fait. La question c'est comment aujourd'hui on réinvente des organisations, comment les organisations travaillent différemment, comment on change le référentiel managérial, comment les managers sont au service de l'équipe, comment on n'est plus dans une posture de chef mais plutôt dans une posture de celui qui permet à son équipe de performer, d'avancer. Voilà, c'est ça les nouveaux codes à mon avis. c'est un changement majeur parce que ça réinterroge en fait la fonction même de l'immobilier. En fait, si les gens sont là 2 jours par semaine et 3 jours chez eux, qu'est-ce qu'on fait en fait des espaces où il y avait avant 300 ou 400 collaborateurs? Comment ça se réinvente? Comment ça se... Est-ce qu'on impose aussi aux collaborateurs d'être là au moins une journée par semaine tous ensemble pour pouvoir se voir et partager? La question des méthodes, comment encore une fois on travaille à distance? Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas juste de reprendre les mêmes principes. C'est-à-dire, avant j'avais des réunions et je les faisais dans ma salle de réunion. Maintenant j'ai des réunions mais je les fais avec mes collaborateurs à distance. Si les réunions durent 2 heures, c'est la même pratique, c'est la même approche en fait. Donc c'est pour ça que nous on travaille vraiment sur la notion de la collaboration. C'est vraiment ça l'enjeu en fait. C'est comment on collabore de la meilleure des manières à distance. Donc oui, je pense qu'il y a un changement majeur. Est-ce que les entreprises demain vont vraiment réussir à implémenter ça et avoir un télétravail organisé plutôt que subi, parce qu'ils l'ont subi? Ça, c'est la vraie question des 6 prochains mois. Le télétravail n'a jamais très bien fonctionné ici en France. Hein. Selon les études, hein, avant la crise, je crois que d'ailleurs, c'était 3% des salariés qui étaient en vrai télétravail. Et du fait de la crise, on est monté à 25% des salariés. Marc-Éric Bobillet-Chaumont, enseignant-chercheur. Alors, il faut savoir que ce n'était pas non plus un vrai télétravail, hein, c'est un travail forcé à distance, mais sans les vraies modalités de télétravail. En fait, le télétravail contraint, ça correspondait à un mode de fonctionnement ordinaire de la part de l'organisation dans une situation extraordinaire, c'est-à-dire la situation extraordinaire liée au confinement en entreprise. Pourquoi je dis que c'est un télétravail contraint? Parce que on a dû subitement demander aux salariés de rester chez eux et d'utiliser des outils qui n'avaient pas été pensés ou des méthodes de travail qui n'avaient pas été adaptées dans ces situations particulières. Donc il y a une sorte de contrainte de la part des salariés de s'adapter à l'usage de ces dispositifs. Alors que dans le télétravail classique, on va plutôt réfléchir en amont aux situations particulières du salarié, de l'activité qu'il doit réaliser, son contexte familial, les relations qu'il a avec ses collègues ou avec ses clients, pour trouver justement les meilleurs moyens, les meilleures méthodes, les meilleures solutions technologiques qui correspondent à ce type de télétravail. Là, en l'occurrence, c'était tout le monde était confronté aux mêmes méthodes, aux mêmes dispositifs techniques, et à eux de faire l'effort de s'adapter, de s'approprier ces dispositifs compte tenu de leur situation, de trouver les ressources pour pouvoir l'utiliser. Le télétravail est arrivé progressivement en France depuis 1993. Caroline Diard, enseignante-chercheuse. Donc ça n'a rien d'un phénomène nouveau, ça a été facilité par divers éléments contextuels, notamment un contexte technologique facilitant, un contexte juridique également facilitant, et les entreprises, petit à petit, se sont appropriées ce nouveau mode de travail pour diverses raisons, pour des raisons de diminution de coûts d'immobilier, pour favoriser la concentration des salariés, pour diminuer les temps de transport. Donc dans beaucoup d'entreprises, on avait déjà des salariés en télétravail, mais il s'agissait d'un télétravail à temps partiel. Le plus fréquent dans les accords d'entreprise qui sont signés ou dans les chartes, c'est 1 à 2 jours par semaine. Là, on est avant le confinement. La plupart des managers que j'ai rencontrés avant le confinement avaient tendance à m'expliquer que de toute façon, les gens qui étaient en télétravail dans leur service étaient des personnes autonomes, dignes de confiance, à qui on pouvait confier des responsabilités à distance sans aucun problème. Le 16 mars, c'est un peu une situation très surprenante. On n'a pas encore la connaissance de la durée du confinement. On se dit que ça va être temporaire. Il y a une sorte de stress, d'angoisse, d'incertitude. Et surtout, on se dit, est-ce qu'on va être capable de s'adapter en tant que salarié? Quand j'y repense, la première claque que je me suis prise, c'était le samedi 15 mars. J'étais en terrasse avec des copines. C'est samedi soir avec mes copines, c'est rituel. Quand je dis rituel, je veux dire que c'était plus que nécessaire pour nous quatre. On bosse énormément. Moi, je travaille dans une grosse boîte. J'ai été débauchée, ils m'ont voulu. Ils me donnent un gros salaire. C'est un taf qui me donne de l'adrénaline avec des objectifs, des intéressements. Alors je compte jamais mes heures. Je bosse le soir et souvent, je prépare le début de semaine dès le dimanche. Alors le samedi, c'est pas négociable. On sort, on picole. Moi, je déstresse. Je pense plus au taf, plus du tout. Et donc ce soir-là, on nous annonce que les bars, c'est terminé. Le serveur rangeait les tables, il devait fermer à minuit, je crois. Nous, on s'accrochait à nos tables, on insistait pour recommander. Il y avait une drôle d'ambiance, entre rire et pleurs, une ambiance de veille de couvre-feu. Si j'avais su combien de temps ça allait durer, je me serais enchaînée à la table. Le lundi matin, on devait aller chercher du matériel au bureau. Pour moi, c'était un ordinateur et quelques dossiers. J'avais jamais télétravaillé. Ou si, le week-end. régler des trucs à distance, envoyer des mails. Mais le télétravail, c'est pas ça. Je savais pas ce que c'était. Et dans ma boîte non plus, personne savait. Aucune culture de ça. C'est pas un truc qu'ils voulaient. Et là, avec le confinement, tout le monde passe du jour au lendemain au télétravail. Du jour au lendemain, on a un télétravail qui est un télétravail contraint, subi, pour tout le monde, ou quasiment, une grande majorité des salariés. Et c'est un télétravail qui va se faire à temps complet. On a l'impression que cette personne est dans un état de sidération. Elle semble vivre la situation comme quelque chose de violent, de brutal, et du jour au lendemain, elle va se retrouver face à des conditions de travail qu'elle n'avait pas éprouvées auparavant. Le kiff d'être chez soi, ça a duré une matinée, pas plus. Le canapé, la théière sur le bureau, la pause déj qui va bien, tout ça c'est du fantasme. Moi je gagne bien ma vie, mais j'ai un deux pièces. Alors la table du salon s'est transformée en bureau pendant tout le confinement. Et plus ça allait, plus l'appart était crade. Je m'occupais plus de grand-chose. J'avais l'impression que ma vie était dans l'écran de l'ordi. En fait, j'en ai deux, des ordis. Les deux allumés en permanence. Et mon téléphone. Mon téléphone, je dors avec. Trois écrans. C'est ça, mon confinement. On sait que le télétravail, ça génère un travail à flux tendu. C'est-à-dire que les personnes s'investissent énormément dans le télétravail. Là où l'entreprise pense que les gens vont être des flemmards, vont peu... s'engager dans l'activité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils travaillent et ils n'arrivent pas à avoir ces pauses. C'est-à-dire que là, on peut être perturbé ou des collègues qui peuvent venir nous demander de boire un café ou d'aller manger, bah là, on travaille en continu. Et donc, ça crée cette intensification de l'activité. Et puis, ça crée aussi des tâches un peu nouvelles qu'on n'avait pas prévues. C'est ce qu'on appelle le métatravail. C'est-à-dire un travail sur le travail. Là où, auparavant... Le fait d'être présent avec des collègues qui jettent un coup d'œil sur notre travail ou qui nous voient répondre à un client en open space, par exemple, ou qui voient qu'on va faire à une réunion, bah, il comprend qu'on est à un certain niveau de notre activité, du développement de notre activité. On n'a pas besoin de communiquer. Bah, quand vous êtes à distance, ça n'existe plus. Vous êtes chez vous. Donc il faut rendre visible tout ce qui se fait. Et donc quoi ? C'est-à-dire décider de ce que je veux rendre visible et puis après le retranscrire pour que ce soit compréhensible, et arroser toutes les personnes pour lui dire. Et c'est là où vous voyez la multiplication de ces emails hein, qui arrivent pour dire à la personne « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en suis là », des choses qui sont inutiles, mais qui prennent de le temps à la personne pour le faire et qui prennent du temps à nous pour le faire, et qui peut générer du conflit. Parce que vous dire « mais pourquoi tu m'embêtes avec ça ?» Pour moi, le plus dur, ça a été de plus voir les gens qu'à travers ces écrans. Des alertes dans mon agenda sonnaient à tout bout de champ. Une fenêtre Zoom ouverte en permanence, un WhatsApp sur lequel arrivent une centaine de messages par jour, les textos, les mails, 200, 300 mails. Je devais en avoir 3, 4 fois plus que d'habitude, tu pètes un plomb. Je passais mes journées à hiérarchiser les demandes que je recevais. Un afflux de demandes de plusieurs chefs, de différents services, de partenaires, de collègues, de clients, et chacun qui dit urgent. Avec à chaque fois de la culpabilité d'écarter une demande pour la remettre à plus tard. Mais humainement, c'était pas possible de tout faire en même temps. La mise en œuvre du télétravail va reconfigurer, va fragiliser ou va développer des capacités d'action nouvelles chez le salarié par rapport à l'organisation du travail. Est-ce qu'il a plus de liberté dans son travail ou moins de liberté ? Ou il passe, par exemple, d'une phase où il était totalement autonome à une phase où il est totalement hétéronome, c'est-à-dire là où il doit suivre des prescriptions, des règles extrêmement fortes. Ou l'inverse, ça peut être aussi très déstabilisant, là où il n'avait pas à réfléchir aux procédures et il était plutôt... Plutôt, en accord avec ça, là, subitement, il doit être totalement autonome. C'est très déstabilisant. En fait, contrairement à ce que le patronat pensait jusque-là, quand on est en télétravail, on travaille encore plus que quand on est dans l'entreprise. Sophie Binet, syndicaliste. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours ce soupçon de non-travail. Il y a toujours ce soupçon de « Ah, mais peut-être qu'elle a fait une pause de 10 minutes pour lancer sa machine à laver et s'occuper de son fils au lieu de travailler. » Et donc, le résultat, c'est que quand on va recevoir un mail, on va se sentir encore plus obligé de répondre instantanément que quand on est au travail. Parce que quand on est sur son lieu de travail, bon, on est visible. Personne ne peut dire qu'on ne travaille pas, on est sur son lieu de travail. Donc, on peut se permettre de ne pas répondre instantanément à une sollicitation qu'on va avoir reçue par mail. Donc, c'est c'est à cause de ce soupçon de non-travail qu'il y a une culpabilisation en fait un peu permanente des télétravailleurs, télétravailleuses, qui fait qu'ils sont encore plus sous pression que quand ils sont au travail et que, bien évidemment, déjà, ils travaillent pendant leurs horaires habituels, mais en plus, ils vont pas s'arrêter le soir, voire la nuit, ils vont continuer à surveiller leurs mails et à répondre en permanence avec une frontière entre vie privée, vie professionnelle qui est complètement diluée, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites. Alors, il y a un droit à la déconnexion depuis maintenant quelques années, qui est inscrit dans la loi. Et ce droit à la déconnexion, les entreprises sont supposées le respecter. On s'est aperçu, malheureusement, pendant le confinement, que finalement, la frontière vie professionnelle-vie personnelle, elle n'existait plus vraiment, et que ce droit à la déconnexion n'était pas forcément respecté. Le pire, c'était les conf-calls. J'en avais 15 par jour. Parfois moins, mais certaines duraient 4 ou 5 heures. J'allais aux toilettes avec l'ordinateur sur les genoux. Plusieurs fois, j'ai eu aussi 2 conf-calls en même temps. Il fallait vraiment assurer sur les 2 en plus. En fait, tu peux pas te dédoubler, c'est impossible. Mais là, il y avait quelque chose dans l'organisation, dans la désorganisation plutôt, qui faisait que c'était impossible de dire non. Le souci qui s'est posé, c'est qu'en période de confinement, il n'y a plus ce cadre formel du bureau, mais les salariés d'eux-mêmes ont eu tendance à répondre aux sollicitations. Alors les managers ont beaucoup demandé aussi, donc pour certains managers, ça a été à la limite du harcèlement. Des visios organisés 3 fois dans une journée pour faire le point, ça n'a pas de sens. On l'aurait pas fait en présentiel. Et du coup, les salariés, le témoignage le montre, les salariés se sont sentis obligés. Et finalement, il y a quand même la notion du salarié très consciencieux, avec cet aspect un petit peu bon élève, où finalement, en tant que télétravailleur, je veux montrer que je suis là, que je suis toujours sur le pont et que je suis toujours aussi efficace qu'avant le confinement. Donc, les salariés sont aussi responsables que les managers, j'ai tendance à dire, malheureusement. En plus, je me souviens, il y avait tout le contexte. Sur Twitter, aux infos, tu voyais que des héros, des infirmiers, des mecs en train de sauver des vies, des malades qui se battent pour rester en vie. Il y avait un côté apocalypse, avec un côté héroïque. Moi, c'est comme ça que je me suis vue à un moment. Je me suis dit, allez, tu vas pas pleurer parce que t'as du taf. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler les risques que comporte le télétravail, c'est-à-dire le fait que nous sommes inégaux dans la prise en charge du télétravail selon le type de logement, le type d'équipement, la configuration familiale dans laquelle nous nous trouvons. Il y a un risque que la charge de travail soit de plus en plus importante et non régulée. Et puis, alors, il y a un risque, déjà, on assistait à une sorte de fragmentation, presque de plateformisation du travail. Mais là, ça va très très loin, c'est-à-dire que on ne va plus être réunis sur un même lieu pour produire. C'est un énorme bouleversement. On revient à avant le 19e siècle. On revient au travail à domicile qui était très répandu avant le 19e siècle. Ça, c'est quand même énorme. Il y a 2 aspects pour moi dans le confinement. Il y a celui que je n'ai pas vécu et qui pour moi est le pire de tous. C'est les femmes avec enfants à qui on explique que bien sûr, ça pose aucun problème de travailler avec son gamin sur les genoux. C'est hallucinant de dire ça. On peut pas. Enfin, sinon, on amènerait tous nos enfants au boulot. Donc, il y a cet aspect-là du confinement qui est horrible. C'est-à-dire de faire croire que, ouais, il n'y a pas de problème. On peut faire 2 journées en une et en même temps. Moi, j'ai eu des collègues de travail qui ont fini des réunions en larmes. Le gamin sur les genoux et en larmes en disant « Je suis désolé. » C'est affreux. C'est pas bien de mettre les femmes dans ces conditions-là, je trouve que c'est de la perversité en fait. D'autres témoignages disant « mon fils s'est blessé parce que je pouvais pas bien m'en occuper parce que j'étais en train de travailler en même temps, il y a eu un accident ménager de ce fait-là ». Bon, on voit bien que derrière ce cas général, il y a plein de situations individuelles, hyper violentes et compliquées, et que au final, qu'est-ce qui se passe dans ces situations ? On choisit toujours ses enfants, évidemment. Et donc là, si on ne réagit pas collectivement, on peut assister à un mouvement violent de renvoi des femmes au foyer, et notamment en direction de celles qui avaient enclenché une carrière professionnelle, avaient des responsabilités professionnelles, etc., qui soit seront fragilisées dans leur carrière professionnelle, soit violemment interrompues si on ne répond pas à cette question-là. Ensuite, on a installé Upstaff. Les boîtes ont mis ça en place un peu partout. En gros, c'est un logiciel qui enregistre l'activité de ton clavier et de ta souris et qui permet à ton manager de savoir si tu bosses et sur quoi tu bosses. Quand on a reçu l'invitation à télécharger l'appli, l'idée c'était de mieux travailler ensemble pour une meilleure coordination, plus efficace, plus fluide. C'est là que quelque chose s'est passé en moi, ça a brisé un truc. Je bossais comme une dingue. J'étais tout le temps dispo pour le taf et on voulait me contrôler. J'ai tenu un peu à ce rythme-là, mais c'est mon corps qui a lâché. En plus, je devenais parano. Je comprenais pas vraiment ce que ce logiciel pouvait révéler de mon activité à mon manager. Le logiciel Ofstaff, par exemple, qui est un logiciel de contrôle et supervision, un peu ce qu'on pourrait qualifier de panoptique, c'est-à-dire qui évalue à tout instant, tout moment, l'activité des personnes, les salariés se sentent constamment contrôlés et supervisés. Alors l'idée aussi de ce système panoptique, c'est que ça donne l'impression d'être contrôlé alors que l'action de contrôle est discontinue. C'est-à-dire qu'il y a toujours une chape de contrôle où on se sent. Et donc c'est une pression continue sur le travail qu'on réalise. Et donc du coup, dans ces modes de fonctionnement, et vous voyez que finalement ça a peut-être été l'aubaine pour ces organisations qui fonctionnaient sur un mode extrêmement strict et rigoureux, d'une part effectivement de pouvoir contraindre ces manières de travail, et pour pouvoir aussi peut-être déployer des instruments et des méthodes de travail encore beaucoup plus strictes pour contrôler le travail, sous couvert et sous prétexte de ces transformations liées à l'activité au télétravail. Et moi c'est ce que j'appellerais un cheval de Troie organisationnel quelque part, c'est-à-dire que sous couvert de transformation socio-technique liée au télétravail, eh bien, on pouvait aussi remettre en place plus de contrôle, plus de mesures, plus d'évaluation grâce aux outils qu'on déployait dans ce cadre-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu par les salariés. Dans le domaine de la formation, on a des moyens, par exemple, pour évaluer mieux le travail des enseignants à la faveur de cette crise Covid, c'est-à-dire de voir quels sont les cours qui sont mis en ligne, de voir la quantité de travail qui est demandée pour suivre les enseignements. Combien d'élèves vont aussi se connecter à nos formations, voir si quelque part on est attractif ou pas. Et puis après, de restreindre également, si on donne accès à ces enseignements à distance, de restreindre le coût des salles et des locations de salles, de la venue des étudiants. On voit que la technologie est une solution pour permettre à l'organisation de reprendre la main sur un travail qui lui échappait, sur une activité qui lui échappait. Et sur une activité, en plus, dans le télétravail, qui n'est plus localisé spatialement et temporellement dans l'entreprise. Donc il faut développer des outils et les instruments technologiques à la faveur du télétravail permettent cette évaluation, ce contrôle et cette supervision. Le 17 mai, j'ai pas pu me lever. Je suis restée scotchée à l'oreiller, je pleurais, incapable de bouger. C'était un dimanche. Je suis sérieuse jusqu'au bout. J'ai fait mon burn-out un dimanche. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin sur Zoom, je lui ai tout raconté et j'ai été arrêtée. C'était la première fois de ma vie. J'ai coutume de dire à mes patients, à mes patientes, à la fin, c'est le corps qui gagne. Toujours. Toujours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des alertes, hein, ça commence doucement. Et soit vous ne l'écoutez pas parce que justement vous ne voulez pas vous écouter, etc. Ça montera. Jusqu'à la casse. Ou alors, vous ne pouvez pas vous lever un matin, ou alors un accident de voiture, ou alors, enfin bon, il y a... Hein. Anne-Charlotte Dupont, psychologue du travail. C'est le corps qui gagne, ouais. Et c'est pas une victoire, en général. C'est plutôt une défaite de l'individu, du coup. J'ai l'impression qu'on revient à une époque où on est en train de vouloir adapter l'homme à l'outil de travail, et du coup... C'est compliqué parce que chacun est différent. Et quand je vous dis qu'il y a des personnes qui sont contentes de reprendre le boulot en présentiel parce qu'on se retrouve, etc., il y en a d'autres, mais c'est l'horreur. Voilà. C'est-à-dire que si on contrôle les salariés, c'est qu'on leur fait pas confiance. Et à un moment donné, la relation d'emploi va être tellement dégradée, on va avoir une rupture du contrat psychologique. C'est-à-dire que les attentes et les promesses réciproques n'étant pas dans un juste équilibre, les salariés vont se désengager. Alors se désengager, ça va être des gens qui vont être absents, qui vont être malades, qui vont pas forcément être performants, qui vont moins travailler et qui, à un moment donné, vont partir. Là, on a un rapport de force qui est compliqué en ce moment parce qu'en sortie de confinement, on a un peu la sensation que les salariés ont peur de perdre leur emploi. Donc ça crée une pression sur leurs épaules et du coup, ben, forcément, il n'y a pas forcément de revendication tout de suite des salariés. On va pas saisir les représentants du personnel parce qu'on a peur pour son emploi. Dès que la situation sera revenue plus favorable sur le marché de l'emploi, il y aura des gens qui vont partir et qui vont dire « vous m'avez pas fait confiance, vous m'avez contrôlé, moi je veux pas rester dans cette relation d'emploi qui est déséquilibrée parce que le contrat psychologique a été rompu ». L'option du contrôle sur les salariés a induit l'amplification, la multiplication des risques psychosociaux. Parce que ces modalités de travail nouvelles ont eu pour effet non seulement d'agir sur le travail qui est fait, mais aussi sur la manière de faire ce travail. Donc à la fois sur les repères, sur le contenu, sur les critères de qualité de ce travail, sur ce que j'attends de ce travail, mais aussi sur les modalités de réalisation, sur ses conditions de réalisation. Et tout ça, ces façons de faire le travail, ce travail qui est fait, eh bien ce sont des éléments déterminants sur la manière dont la personne vit son travail, s'investit dans son travail et donc sur son bien-être au travail. La personne n'est pas fragilisée, ce sont les conditions de réalisation de ce travail, c'est le travail qu'il réalise ou qu'il ne peut pas réaliser ou qu'il n'est pas en mesure de réaliser par rapport à ses critères de qualité qui vont le fragiliser. C'est-à-dire que, à force de faire un travail mauvais dans lequel je ne me reconnais pas, je me sens mauvais moi-même. Or, le télétravail a pu, dans certaines situations, notamment lorsqu'il a été fait de manière impromptue, radicale et assez brutale, transformer et dégrader justement ces conditions de réalisation du travail. Il y a trois choses qui permettent réellement de mieux collaborer à distance. En fait, il y a la notion du synchrone, c'est-à-dire la visioconférence. Quand on échange avec ses collaborateurs, c'est quand même bien à un moment donné de pouvoir se voir. Donc beaucoup ont utilisé des outils comme Zoom, comme Teams, comme Skype ou Facebook. Voilà, ça, donc il y a une première base, c'est comment à un moment donné on échange quand on est à distance avec de la visioconférence. Il y a un deuxième outil qu'on appelle l'asynchrone, c'est-à-dire quand on n'est pas avec ses collaborateurs, comment on peut communiquer très rapidement. Là, il y a des outils comme Teams ou Slack qui existent aussi, mais c'est pas la même forme de collaboration. On va pas dans le bureau de son collaborateur en échangeant avec lui. On va plutôt échanger directement via des messages instantanés. Donc ça aussi, c'est une nouvelle forme de communication. Et le troisième élément, et qui est l'élément sûrement le plus important, c'est la collaboration. Comment, à un moment donné, on collabore à distance? Là où on va être dans des entreprises où finalement on va utiliser des tableaux blancs, des post-it, comment on le fait? Comment on organise des brainstorming? Comment on crée des processus de co-création? Et ça se fait avec d'autres outils qui s'appellent par exemple Miro, Klaxoon, Mural. Donc c'est déjà avoir la bonne suite d'outils, de bien comprendre en fait à quoi sert chaque outil et quels sont leurs cas d'usage. Une fois qu'on a bien compris ça, on peut venir y implémenter les bonnes méthodes pour que la collaboration progresse et donc que les équipes travaillent mieux ensemble à distance. Julien Sevelec, chef d'entreprise. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit en télétravail, hein, loin de là. Il faut de l'interaction sociale, après tout on est des êtres humains, et c'est quand même ça qui fait la différence, c'est qu'on a besoin de se connecter. Aujourd'hui, on est face à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est la pandémie, on ne sait pas ce qui va se passer demain, donc il faut s'adapter. L'adaptation, en fait, c'est ce qui fait aussi la différence entre des entreprises qui fonctionneront demain et celles qui échoueront, sûrement. Donc oui, c'est hyper important de se rencontrer. Qui sont des espaces plutôt partagés, c'est-à-dire que l'ensemble des équipes peuvent venir à un moment donné ou se détendre, ou boire un café, ou échanger. Donc ça, c'est un peu pareil que le grand salon. C'est juste un changement, en fait, assez global. Les gens ne sont plus là, en fait, 5 jours par semaine, parce qu'il y a une partie des gens qui ont trouvé aussi une certaine forme d'équilibre dans le travail à distance, et que ces entreprises qu'on accompagne sont des entreprises qui, elles, sont naturellement matures, en fait, pour le travail à distance, et elles l'étaient déjà avant. Donc elles ont juste accéléré parce que les collaborateurs étaient plutôt en attente de ces sujets-là suite à 3 mois passés en confinement. C'est une salle de réunion, c'est pareil, en fait, c'est un espace partagé, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes ici peuvent réserver l'espace pour quand ils reçoivent des clients, quand ils reçoivent des collaborateurs ou quand ils font des réunions d'équipe. Ça permet de leur sortir aussi de leur bureau. Il y a des moments où on travaille mieux chez soi, où on est plus productif, où on est moins interrompu. Quand on interrompt quelqu'un pour rentrer dans une forme de concentration sur un sujet, il faut du temps. Parfois, quand on travaille chez soi, on est plus rapide, on est plus efficace. Et puis finalement, on est aussi plus à l'aise. La question, ça va être demain, Parce que moi, j'entends beaucoup dans les boîtes la notion du mot contrôle, que je comprends. Hein. Comment finalement, oui, mais si les collaborateurs sont chez eux, est-ce qu'ils vont vraiment travailler? Faudrait qu'on sache, c'est important. Moi, je pense qu'encore une fois, là, c'est la question du management qui revient. C'est-à-dire que comment on manage, comment on fait confiance en fait à ses collaborateurs? Comment on leur permet en fait de gagner en autonomie et aussi en prise de décision? Et c'est tout ça qu'il faut réinventer. Parce que le collectif, c'est finalement un regroupement d'individus où on partage un ensemble de valeurs, un ensemble de règles communes, et il y a un sentiment de confiance aussi, fort. Et on a un sentiment d'appartenance. Donc c'est là où on peut aussi trouver, encore une fois, un soutien, une aide face aux difficultés. Marc-Éric Bobillet-Chaumont, enseignant-chercheur. Et quand on est chez soi, on a été confronté à de la solitude. Moi, je n'y crois pas à des communautés virtuelles distantes. Il faut que ça soit cette relation physique, corporelle, où on ressent les autres, on ressent leur attention, on ressent leur soutien, simplement par un regard, par une attitude, une posture, et on se sent mieux. Moi, quand je faisais des enseignements à distance derrière un écran d'ordinateur, j'ai souffert de ça quelque part, parce que là où je tire quelque part du bénéfice et du plaisir à faire mon travail, c'est quand je suis face à un parterre d'étudiants, où je vois leurs yeux s'illuminer, s'éclairer, où leurs pensées se développer, des questions qui m'arrivent, et pas être devant un écran noir où je vois que des noms et où je ne sais pas à qui je m'adresse, sinon à un écran noir. Donc c'est très déplaisant, c'est très dévalorisant. Alors, dans l'organisation habituelle du travail, la progression se fait aussi dans la conflictualité, avec un tiers qui peut être un syndicat, etc. Là, aujourd'hui, dans ce que vous expliquez, on a le sentiment que cette relation à trois, avec un tiers qui, en quelque sorte, pacifie la relation ou établit de la tension quand c'est nécessaire, là, on a le sentiment que finalement, vous n'êtes plus que deux, le manager et le salarié. Oui, je pense qu'en fait, c'est la notion de l'horizontalité, en fait. Parce que, effectivement, on va avoir aujourd'hui des équipes avec des managers. Et c'est un peu comme ça que sont structurées, en fait, les nouvelles entreprises. Donc, cette relation, en fait, c'est surtout de remettre le manager au cœur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il soit réellement le capitaine de cette équipe et qu'il puisse être aussi sur le terrain. Et ça, c'est un point extrêmement important. Il n'est pas juste sur le banc. Il n'est pas là à donner des commandements. Il est là pour travailler avec son équipe, à la faire progresser. Finalement, un bon manager, il a une vision, il a une mission. Et après, le chemin, c'est lui qui le donne à son équipe, mais son équipe doit co-créer avec lui, en fait. Dans un tiers-lieu comme celui-là, il n'y a pas de syndicat? Non, il n'y a pas de syndicat. C'est un problème? Non. Mais j'ai l'impression que le capital humain, c'est l'élément le plus important, en fait, pour ces boîtes. Donc elles font hyper attention, en fait, à leurs collaborateurs. Elles les mettent dans des conditions pour qu'ils puissent travailler de manière sereine. Et il y a cet engagement, en fait, commun. Il y a cette vision aussi commune et partagée. Donc non, effectivement, il n'y a pas réellement de conflit. Pour moi, une organisation aujourd'hui, c'est une organisation qui doit être vivante, adaptable, résiliente face au choc, et qui ne doit pas être de mastodonte organisé, basé sur des silos. C'est pas du tout la même chose pour moi. Mais encore une fois, c'est ma perception. La première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord, c'est se dire que hors circonstances extrêmement exceptionnelles, il ne doit pas y avoir de télétravail temps plein. La syndicaliste Sophie Binet. Parce que on l'a vécu pendant le confinement, ce télétravail temps plein, c'est une catastrophe sur les collectifs de travail et ça vide le travail de tout ce qui fait sa richesse en fait, parce que ça le standardise. Il ne reste plus rien du relationnel, de l'informel, etc. Et c'est justement là où se niche toute la richesse du travail. Donc télétravail temps plein, ça doit être banni. Nous, on pense que au maximum, ça doit être moins de la moitié du temps hebdomadaire, de façon à ce que le collectif de travail continue à fonctionner. Et puis, bien évidemment, que le télétravail doit s'accompagner d'une réflexion sur les droits démocratiques. Aujourd'hui, on est dans la quasi-totalité des entreprises de France. Les syndicats et les représentants du personnel n'ont pas le droit d'adresser des informations par mail aux salariés comme ils le souhaitent, alors que aujourd'hui, nous ne pouvons plus aller les voir dans les bureaux ou dans les ateliers parce que, de plus en plus souvent, ils et elles ne sont pas là, notamment du fait de la crise sanitaire. Donc, on a été précurseurs quand même, les acteurs sociaux. On a fait une première négociation en 2005 le patronat à l'époque n'avait pas eu trop le choix de négocier parce qu'on l'avait déjà fait à l'échelle européenne. Il y avait eu un accord européen en 2002, donc on a décliné en 2005. Cet accord, il reste pertinent sur beaucoup d'aspects. Malheureusement, le gouvernement a fait le choix retirer les dispositions de cet accord qui étaient inscrites dans le Code du travail. En 2018, avec la réforme du Code du travail par ordonnance, le gouvernement a supprimé l'essentiel des points qui encadraient l'organisation du télétravail qui était issu de cet accord interprofessionnel de 2005. Donc en fait, on se retrouve à avoir un accord national interprofessionnel qui comporte un certain nombre d'encadrements, qui par contre n'est plus dans le Code du travail parce que le gouvernement l'a retiré. Donc la première chose, c'est que nous, on interpelle le gouvernement en leur disant déjà, reprenez ce qu'on a déjà négocié, remettez-le dans le Code du travail de façon claire. À commencer, par exemple, ce qu'on avait négocié ensemble, c'était de dire, le principe, c'est que, c'est le principe fondamental lié au salariat, l'ensemble de ses frais professionnels doivent être pris en charge par l'employeur. Eh bien, ce principe doit être aussi valable lorsqu'on est en télétravail. Donc, on parle bien évidemment de l'équipement informatique, on parle d'un matériel ergonomique de bureau, on parle des assurances, on parle d'une participation au loyer, etc. Tout ça, c'est inscrit dans l'accord interprofessionnel. Ça n'est plus dans la loi, mais je vous rassure, heureusement que les juges font respecter ce principe qui est assuré par la jurisprudence. Donc, nous, on alerte aussi le patronat sur cette insécurité juridique. Si on va devant les tribunaux, ils seront condamnés. Donc autant réécrire clairement les choses dans le Code du travail pour garantir ces droits fondamentaux aux salariés. Moi, j'habite dans une maison qui surplombe une vallée. Donc, à votre droite, vous pouvez voir un lac. On l'entreaperçoit aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de nuages. Mais il reflète, il est argenté. À gauche, vous avez un petit clocher d'église. Et encore à sa gauche, un petit lac, beaucoup plus petit. Et mon jardin, eh ben, il donne sur 180 degrés sur ce paysage. J'ai un grand arbre planté au milieu. Je rêve d'un magnolia. Pour l'instant, c'en est pas un, mais je rêve d'un magnolia. Qui sait ? Et puis, j'y ai mis les fleurs que j'aime. J'ai des iris, j'ai quelques plants exotiques. Et on a fait une tentative de prairie fleurie dans laquelle mon chat adore se planquer pour guetter les oiseaux. Nous sommes avec Garance sur la terrasse d'une maison confortable. Elle est consultante dans un grand groupe, gagne bien sa vie, et pendant longtemps, elle s'est sentie portée par une vie professionnelle trépidante. Être constamment disponible, toujours à la hauteur, faire et défaire avec le sourire, vaincre et convaincre. Enfin, une superwoman, comme elle se décrit elle-même. Jusqu'à ce qu'un jour, le corps craque. Et en fait, un matin, je peux pas me lever. Comme on raconte dans les livres ou dans les films, là, le vrai truc qui arrive qu'aux autres, en fait, c'est que je suis vide. Je suis vide. Donc je sors péniblement de mon lit en me demandant ce qui se passe, enfin ce que je me sens pas malade, je me sens vide. Donc c'est assez affolant, en fait. Je finis par réussir à descendre, me forcer, je peux rien avaler. Enfin, le sentiment d'être devenu une espèce de fantôme. Je survis péniblement à cette journée, un peu comme dans un nuage, et pendant à peu près 3-4 mois, ça va être ça. C'est-à-dire que moi, j'explique que ça va aller, que je sais pas ce qui se passe, mais que je vais bien. Et que je vais bien, et que je vais bien, et que je vais bien. Je pense qu'en fait, tout mon entourage a déjà capté que ça va pas du tout. Mais moi, je vais bien. Donc, on est en plein milieu des vacances. Je crois quand même que j'ai un vague doute sur le fait que je vais pouvoir reprendre. Mais c'est pas grave. Je me projette quand même dans la rentrée. Tout en arrivant à rien avaler, en ne dormant plus. Je suis plutôt une bonne dormeuse, normalement. Enfin, vraiment, la tête et le corps vides. Qui s'arrête, quoi. Enfin, c'est comme si on m'avait mis sur stop. Donc, je consulte mon médecin et qui comprend pas bien ce que j'ai. Comme j'ai eu des traitements pendant l'été, il se demande si c'est pas ça. Enfin, on tourne un peu autour. Je consulte une psy, je finis par avoir aussi une psychiatre. Et on finit par mettre un nom là-dessus, donc syndrome de choc post-traumatique. Ou burn-out, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait trop. Mon médecin me parle d'une analogie des batteries de téléphone que j'ai cramées. Et elle n'arrive pas à recharger. Et donc, dès qu'elle recharge un peu, le fait juste de vivre me fait recramer le peu que j'arrive à recharger. Et donc, il y a un déséquilibre comme ça qui se crée. Le 16 mars, le confinement arrive. Alors j'ai repris le travail depuis un mois et demi. J'ai croisé quelques collègues, peu, le moins possible. J'ai encore peur. Donc, le confinement, il me permet d'éviter tous les écueils qui me faisaient peur à l'idée de reprendre le travail. C'est une vraie bulle protectrice. Alors je bénéficie en plus du soutien de ma hiérarchie, ce qui est loin d'être négligeable, je pense que ça a été également essentiel. C'est-à-dire que je travaille en confiance. Il y a une chose qui est essentielle, c'est l'implication, la participation des salariés. Parce que on a la chance qu'ils aient une expérience maintenant de cette forme de télétravail imposée aux contraintes, mais en tout cas qui leur a donné une vision de ce qu'ils pouvaient faire ou ne pas faire, ou de ce qu'ils souhaiteraient faire, continuer à faire à distance. Et donc, il y a une formidable opportunité de s'appuyer sur cette expérience pour définir ou redéfinir les conditions de télétravail. Et donc, un des facteurs de cette acceptation, c'est d'abord l'implication, la participation et la co-construction de ces conditions de télétravail avec les salariés. Parce qu'ils sauront dire en quoi et pourquoi ce qu'on a décidé ou pensé peuvent affecter leurs conditions de vie personnelle, domestique, mais aussi la qualité de vie de travail, les règles de métier, les collectifs de travail, tout ce qui est important à leurs yeux. Je ne suis pas sûre que j'aurais réussi aussi bien que ça à reprendre le travail sans la... C'est très paradoxal ce que je vais dire, mais sans la liberté que m'a apporté le confinement. Parce que j'ai pu étaler mes horaires comme je voulais. J'ai pu faire des pauses quand je me sentais fatiguée. Chose que je faisais évidemment pas avant, parce que ça n'existe pas. Donc j'ai pu recréer finalement un environnement de travail idéal. Alors, en plus, j'ai un bureau, donc je peux m'isoler, c'est-à-dire que même s'il y a du monde à la maison et que je décide que finalement de 7 à 8, je suis très bien pour travailler, 7 à 8 heures le soir, je ferme la porte, je suis dans mon bureau et je travaille. Et puis si je décide que c'est de 10 à 11 le soir, ça me va très bien aussi. Voilà, je bénéficie de conditions très particulières. Mes enfants sont grands, mon mari fait la cuisine, c'est pas moi qui gère le quotidien, en tout cas ce quotidien-là. Donc je suis dans les conditions idéales. J'ai une anecdote qui me revient en tête, mais je pense qu'on a été plusieurs à se faire des réunions en pyjama. Pas forcément la toilette faite, mais en fait, on bosse pas moins bien quand on n'est pas habillé spécialement pour le travail. C'est des détails, hein. Mais on gagne un temps fou, en fait, à pas se rendre sur son lieu de travail, y compris quand on n'a pas énormément de trajets. Dans nos métiers, on allume un ordinateur et on est au travail. Pyjama. Et en fait, on s'est rendu compte tous, les uns après les autres, qu'on l'avait tous un peu fait quand même. C'était plutôt marrant de s'imaginer en pyjama. C'est une expérience très étonnante. C'est-à-dire que, en fait, je sortais d'un confinement. Et j'ai appris, finalement, à apprivoiser la solitude, le temps qui passe, le vide. J'ai appris ça, vite. Et là, je me retrouve, en fait, comme tout le monde, où tout le monde se retrouve comme moi. Ça m'apprend pas des scoops, hein. Par rapport à mon mode de fonctionnement précédent, c'est très différent pour moi. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le tourbillon de on arrive au boulot, on bosse, on est à fond, on mange sur le pouce, puis le soir, c'est l'heure, on repart, puis le lendemain, on recommence. Et là, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que ça m'apprend à faire avec des moments creux et à les accepter. C'est-à-dire que, alors, soit des moments creux dans le travail, j'ai moins de travail. Ah, comment je vais ? J'ai moins de travail. C'est la panique. Non, j'ai moins de travail. Voilà. Puis plus tard, j'en aurai un peu plus. Et donc, le télétravail, ça peut déclencher ces difficultés, mais bien plus souvent, ça vient révéler ou accentuer des problématiques déjà existantes. Et du coup, c'est là où le télétravail n'est plus une finalité, mais ça peut être un moyen pour rediscuter, remettre à plat l'organisation existante du travail. Mais ça, il faut que ça soit une volonté de l'organisation, hein, avec toutes les parties prenantes, les décideurs, les managers, ceux qui développent ces outils, et ceux qui travaillent, qui ont l'expérience, pour pouvoir déjà discuter du travail qui se fait ou qui ne se fait pas, et qui va mal et qui fait mal. Et après, on peut mettre en place une organisation qui va un peu mieux, et puis réfléchir au projet de transformation pour pouvoir l'intégrer dans cette organisation. Et je le dis souvent, hein, dans une formule un petit peu rapide, je dis, s'il faut partir de l'activité pour penser la technologie, ça c'est la perspective en ergonomie, hein, eh bien on peut aussi partir des technologies des transformations digitales, et donc du télétravail, pour repenser l'activité. Alors, repenser aux deux sens du terme, c'est-à-dire repenser en termes de corriger, d'améliorer la situation, puis repenser REPNSER, c'est-à-dire la soigner l'activité. Cette activité donc qui va mal et qui fait mal. Parce que depuis un certain temps, on a le nez dans le guidon, on ne fait plus attention et on laisse courir des procédures, on laisse pourrir des méthodes qui ne sont plus adaptées à ce qu'on fait. Ça n'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Voilà. Et c'est pas juste une question de masque. Ce serait tellement bien si on pouvait se mettre autour de la table et commencer à parler des choses différemment en termes, par exemple, de prévention des risques psychosociaux. En termes de... et si on essayait ensemble. Et du coup, là, c'est tous les acteurs, c'est la santé, mais c'est l'économique aussi. Il y aurait certainement des choses à faire. Je pense qu'il y a des choses qui se font à des niveaux micro, hein, locaux ou dans certaines entreprises, parce qu'il y a des entreprises dans le coin, moi j'entends des choses vraiment chouettes par rapport à ça. Tel salarié avait envie de revenir parce que c'est mieux, mais l'autre se sentait pas à l'aise, bon bah ok, du coup c'est comment, mais c'est des petites entreprises. Bon bah du coup, si cette personne n'est pas à l'aise pour revenir quand il y a trop de monde au bureau, bah écoutez, ce jour-là, Pierre et Paul, vous irez travailler en télétravail pour que Jacques puisse venir, parce que, Gwen, Marie et Sophie, peu importe, mais de ces prises en compte et avec des managers ou des directeurs, des manageuses et des directrices qui vont voir leurs salariés, qui font des... Et comment vas-tu ? Littéralement, c'est pas t'en es où de ton activité, c'est comment vas-tu ? Comment vivre les choses ? Et vous, en tant qu'équipe, comment vous vivez ce qui se passe ? Et ça, c'est important. Ça a bouleversé toutes les vies professionnelles. On a tous appris à travailler différemment. Tout le monde a réalisé que, en fait, dans un environnement calme et serein, on peut travailler beaucoup mieux et être beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas moins, on ne travaille pas forcément plus. Ce n'est pas dans la quantité, c'est vraiment dans la qualité de travail. Je sens poindre une once de culpabilité vis-à-vis du télétravail. Oui, le discours a changé en quelques semaines. Sur le fait que il y a une vague notion de, en fait, si c'est facile, c'est pas bien. Si c'est facile de travailler dans de bonnes conditions à la maison, mais en fait, c'est que c'est pas bien. C'est étonnant, hein, comme façon de voir les choses, parce que très cyniquement, on pourrait se dire que finalement, plus les employés sont contents, mieux ils travaillent, hein. Et c'est très cynique, finalement, comme façon de voir les choses. Mais là, non. C'est-à-dire que même des collaborateurs que j'ai vus apprécier énormément le télétravail disent maintenant que, oui, mais enfin, pas trop quand même. Comme s'il fallait pas être trop bien quand on exerce son activité professionnelle. Je sais pas pourquoi. Je suis pas complètement en accord avec cette vision-là. Je pense qu'en effet, on est plus productif quand on est bien. Et quant à la peur que les gens ne travaillent pas quand ils sont chez eux, je pense qu'on peut tout à fait ne pas travailler quand on est sur place. Il n'y a aucun problème. On peut regarder par la fenêtre et rêvasser pendant une heure. Hein. On peut ne pas suivre une réunion et faire autre chose. Donc, c'est assez irrationnel finalement de se dire que si on n'est pas sous surveillance, on ne travaille pas. Il y en a sûrement. Mais ce sera pareil s'ils sont au travail. Et en plus, je pense que les gens, de manière générale, ils sont contents de travailler. Enfin, moi, je travaille dans une entreprise où on fait des choses intéressantes. On demande du jus de cerveau. Et je pense que les gens, ils sont contents d'en fournir du jus de cerveau. Je pense qu'intellectuellement, c'est satisfaisant. D'ailleurs, on n'a pas vu spécialement de différence de productivité pendant le confinement. L'entreprise, elle a continué à tourner et les gens, ils se sont donné du mal, vraiment beaucoup de mal, pour que l'entreprise continue à tourner. Maintenant, les retours en présentiel sont pas évidents parce que y a des demandes alors dans les patients que j'ai, hein, qui demandent à pouvoir faire du télétravail et on leur répond oulala, c'est compliqué, alors que ben, pendant 2 mois ils ont été en, comment on peut appeler ça, corona travail, hein, parce que le télétravail demande à un moment donné, oui, de faire confiance, et moi j'entends beaucoup de choses autour du contrôle. Et si c'est managé par le contrôle, ça ne marche pas. Parce que c'est une forme d'infantilisation. Et dans ces cas-là, vous infantilisez quelqu'un, ben, le jeu, c'est d'essayer de contourner la règle. Hein. Voilà. Et du coup, la difficulté à pouvoir dire, ben, on aimerait bien, là, faire du vrai télétravail, 2 jours par semaine, etc., etc. Et un certain nombre d'organisations de travail qui sont résistantes. Hein. D'ailleurs, la France est un des, et si ce n'est le pays d'Europe où il y a eu le plus de retours en présentiel. C'est-à-dire que contrairement au Royaume-Uni, je crois qu'ils sont à 30% ou un peu moins, la France est au-delà des 50%. L'organisation du travail, le retour en présentiel, qui peut être compliqué pour un certain nombre de personnes. Enfin, parce que les entreprises, d'un point de vue logistique, elles ont très très bien préparé le retour. Elles ont acheté le matériel qu'il fallait, le gel, les masques, la signalétique, etc., etc. Il y a peut-être eu un peu moins de priorité mise sur comment on reprend le travail maintenant. Parce que reprendre le travail maintenant, c'est pas dire on fait comme avant en portant un masque et en se frottant les mains avec du gel hydro régulièrement. Pas du tout. Et ignorer ou faire comme si le Covid n'existait pas, comme si les incertitudes n'existaient pas, comme si les ressentis de chaque personne n'existaient pas, c'est potentiellement une explosion dans les risques psychosociaux et dans les difficultés. Les risques psychosociaux sont la deuxième cause d'arrêt de travail derrière Covid aujourd'hui. Alors que auparavant, les premières et deuxièmes causes étaient la maladie et les troubles musculosquelettiques, et ensuite les risques psychosociaux venaient. Aujourd'hui, c'est la deuxième raison des arrêts. Et les psys vous le diront, hein, que ce soit psy du travail, les cliniciens, enfin peu importe. Et il y a un moment donné où ça va déferler. Et vu l'état de la psychiatrie en France et le fait que nous, par exemple, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale et que les RPS, les risques psychosociaux, sont en explosion, et qu'il y a bien un moment donné où il va falloir sortir la tête du sable ou de je ne sais pas d'où et regarder les choses en face et dire « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» C'était les entreprises après la Covid. Télétravail, Eldorado du monde d'après. Par Rémi Dibowski-Douatte. Avec Julien Sevelec, Marc-Éric Bobillet-Chaumont, Caroline Diard et Anne-Charlotte Dupont. Voix Élodie Hubert. Prise de son Benjamin Thiot et Loïc Duros. Mixage Antoine Viossa. Réalisation Franck Lilin.